Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. Bon, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'en fin de semaine, il y avait une compétition qui possède beaucoup d'avenir. C'est la traversée du lac Saint-Jean en course à pied. C'était organisé par la Fondation Pointe des Pieds, qui vient en aide aux enfants malades. Il y a un homme d'affaires très, très connu de Dolbeau-Mistassini qui a tenté l'expérience, c'est Stéphane Leroyer. Qui est le propriétaire du magasin Sport Expert dans le secteur de Dolbeau. Et Stéphane nous explique comment ça a commencé le goût de participer à cette compétition. Moi, ce qui m'a attiré, premièrement, là, c'est parce que c'est une activité, tu l'as dit tantôt, reliée à la Fondation sur la pointe des pieds, qui vient en aide et qui fait des activités pour les enfants atteints du cancer. Moi, en plus, du côté de ma famille, on vit une situation un peu semblable avec un enfant. Donc, tout ça a fait en sorte que moi, j'étais motivé à aller faire l'activité de par la Fondation 1. Mais deux aussi, comme tu dis, au niveau sportif, écoute, ça revêt un cachet assez particulier là, qui est de traverser le lac. Dans le fond, être sur les traces des gens qui le font en natation ou des gens qui le font en fat bike. Donc oui. Et dans un deuxième temps, Stéphane Leroyer nous parle des difficultés que les participants ont à cette compétition de 32 km. Écoute, on a eu toutes sortes de situations. Le vent, la neige était plus dure au sol. Donc là, on s'attendait à n'importe quoi. Sauf qu'au niveau température, c'était idéal. Okay. Ce soir-là, c'est de nuit. Donc, c'est merveilleux d'être sur le lac de soir, mais il faisait pas froid, il n'y avait pas de vent. Les conditions étaient superbes. Sauf un élément important, c'est que le sol était trop dégelé. OK. Qui faisait qu'on calait de 5 à 6 pouces dans la neige. Donc, on devait avoir une paire de raquettes. Pas de raquettes, là, ça devenait. Et dans un dernier temps, Stéphane Leroyer mentionne que les participants qui ont participé à cette compétition-là ont tous ressorti quand même très, très contents. Il capotait de l'effort qu'il avait émis, puis il était encouragé à revenir. Beaucoup de gens ne l'ont pas complété, mais non, il n'y avait pas de commentaires négatifs. On savait au départ, d'abord la Fondation nous avait très bien préparé, on savait au départ que c'était un effort physique, ça demandait un effort physique assez redoutable, donc tout le monde était prêt à le faire, que ce soit de ne pas le compléter ou de le compléter, les gens étaient mindés puis savaient que ça allait demander beaucoup. OK. Sinon, maintenant, du côté des résultats, on va vous donner quelques gagnants. D'abord, c'est Benoît Gobeil de Bromont qui a été le grand gagnant au 32 km avec un temps de 1h20, 25 minutes et 26 secondes. Suivi de Gino Graville de Robertval qui a terminé avec un temps de 1h20 minutes et 39 secondes. Deuxième position également pour Stéphane Perron de la Baie qui lui a terminé avec 1h27 minutes et 34 secondes. Et Martin Simard de Robertval chez les 50 ans et plus a terminé avec un temps de 1h34 minutes et 53 secondes. Donc c'est quand même une belle expérience que ces gens-là ont fait. Maintenant on va y aller du côté, parce qu'il y avait une autre compétition, c'était au 10 km. À noter que c'est un gars de Sherbrooke qui a remporté la victoire, il s'agit de Christopher Rodolphe. Qui a terminé dans les catégories 20-29 ans, avec un temps de 23 minutes et 10 secondes. Jean-Marie Monja de Chipcha, deuxième position, 27 minutes et 4 secondes. Et Oscar Diaz de Montréal a terminé au troisième position, avec un temps de 27 minutes et 2 secondes. C'est un événement, évidemment, qui a énormément de potentiel, selon moi, pour les prochaines années. On va parler maintenant du côté des Aigles de Robertval. Les Aigles qui étaient en action au cours du week-end et en Benjamin Division 1, les Aigles ont perdu 4-1 contre le pavillon Wilbrod Dufour. Du côté maintenant d'une autre catégorie qui est la catégorie du côté des Aigles, Cadet Division 2, les Aigles de Robertval cette fois-là, était également en action et c'était une défaite de 7 à 4 contre l'école secondaire Samuel Champlain. Donc c'est ce qui déroulait au cours du week-end. Et le Nouvel Hebdo nous apprend qu'il y aura une piste de motocross à Girardville. Donc c'est une activité qui a été organisée ou c'est un projet qui verra le jour en 2019. On va tenter d'ailleurs de rejoindre le principal responsable au cours des prochains jours. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Marc Fortier. C'était la date limite des échanges dans la Ligue nationale de hockey. Et également, vous pouvez écouter Pierre Crochet, une entrevue que j'ai réalisée avant mon congé de la semaine dernière. Pierre Crochet, qui est de la Fédération française de football, qui nous parle évidemment du côté de qu'est-ce que ça va représenter l'association entre la Fédération française de football américain et les gens de la Ligue canadienne. Donc, vous pouvez écouter cette entrevue dans la section entrevue de danradiosport.com. Sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.